Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Un Super Fail particulier sur un sujet monstre. Pourquoi le monde en général et surtout le monde médiatique n'a pas compris qui était Hitler? Le Reichstag a été dissous, une nouvelle fois, et une violente campagne électorale prélude aux élections. Le 10 février, Hitler parle au Sportpalatz de Berlin. Deutsches Volk, die wird vier Jahre, und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst wegen. Les sections d'assaut proclament « Nous sommes les hommes de Hitler ». Daniel Schneiderman, vous publiez « Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler » aux éditions du Seuil, un livre où j'ai appris énormément de choses, puisque j'avoue que je ne savais quasiment rien sur la manière dont la presse avait restitué l'ambiance à Berlin, la manière dont ses correspondants étrangers, très nombreux, j'ai appris ça aussi. 200. Et ils ont travaillé jusqu'à très tard. Jusqu'en 39 pour la France et jusqu'en 41 pour les Américains, oui. Est-ce que vous avez, Daniel Schneiderman, une explication à leur cécité, peut-être tout d'abord décrire quelle était cette cécité face à Hitler? Des explications, il y en a plusieurs, hein. J'essaye de les ordonner dans le livre. Le déclic du livre, si vous voulez, on parle de super fail. Le déclic du livre, ça a été le super fail de la presse américaine face à Trump. Vous vous souvenez, quand Trump a été élu, tous les journalistes américains ont commencé à se dire « mais qu'est-ce qu'on a raté ?» Je veux dire, il y a encore 2 mois, on le classait dans la rubrique variété, il y a encore 2 mois, il nous faisait rire, il est à la Maison-Blanche. Et plusieurs sites américains, à ce moment-là, ont eu l'idée de se pencher sur la manière dont leurs devanciers, c'est-à-dire les journalistes américains en poste à Berlin dans les années 30, avaient vu ou pas venir Hitler. C'est-à-dire ils ont commencé à se demander est-ce qu'ils ont été meilleurs que nous ou pas, est-ce qu'ils ont raté le coche comme nous ou pas. Et moi, j'ai lu ces papiers, et c'est à ce moment-là, par exemple, qu'est ressorti un article, le premier article, sans doute, de la presse américaine parlant d'Hitler, et qu'il désigne comme un Mussolini allemand. Mais là, on est bien avant la prise du pouvoir, on est dans les années 20. Et je me suis dit, oui, quand même, il y aurait quelque chose à explorer. Et ce qui m'a vraiment convaincu qu'il y avait un sujet intéressant, c'est que peu de temps après l'élection de Trump, vous vous souvenez quand Trump a interdit l'accès aux États-Unis aux ressortissants de 6 pays du musulman, on a vu dans la presse américaine un certain nombre de rétrospectives sur l'affaire du Saint-Louis, sur l'Odyssée du Saint-Louis, ce paquebot. Alors il faut que vous rappeliez, Daniel Schneiderman, en quoi consistait le périple du Saint-Louis. Le Saint-Louis, si vous voulez, c'est ce paquebot de croisière allemand qui s'embarque de Hambourg avec à son bord 1000 juifs. On est en mai 39 et ces 1000 juifs espèrent pouvoir demander l'asile aux États-Unis. Et puis, pour de multiples raisons, l'asile leur est refusé, c'est-à-dire qu'ils arrivent à Cuba. À Cuba, on ne les laisse pas débarquer. Et le paquebot fait des ronds dans l'eau pendant une dizaine de jours au large des côtes américaines avant d'être renvoyé en Europe. Et moi, je me suis dit, mais au fond, voilà, il y a une situation un peu comparable. L'Amérique ferme ses portes. Comment la presse américaine de l'époque a couvert? Et là, ma stupéfaction, si vous voulez, je m'attendais à voir des unes du New York Times tous les jours, des interviews des passagers, des familles des passagers, parce que les passagers avaient des familles à Cuba ou aux États-Unis déjà. Je m'attendais, voilà, un gros truc et des brèves. Et rien. Des petits papiers en page intérieure, je veux dire... Très factuel. Très factuel et très et aucune émotion, aucune émotion, aucune empathie. Alors que quand Trump a interdit l'accès aux ressortissants des pays, là, dans l'heure, le New York Times était dans les aéroports et faisait des live tweets. CNN était dans les aéroports et interrogeait les gens qui étaient refoulés. En 39, rien. Et je me suis dit, mais comment on en arrive là, quoi? Comment on en arrive en mai 39? Je veux dire, Hitler est au pouvoir depuis 6 ans. On sait que ce qui arrive aux Juifs allemands et aux Juifs autrichiens est atroce, déjà, même si on n'est pas encore dans l'extermination. On est dans des persécutions quand même très dures. Comment on en arrive à cette indifférence de la presse occidentale? Et c'est l'histoire que j'ai eu envie de raconter. Et alors, ce que vous décrivez, en fait, obéit à des causes multiples. Parce que, notamment ce qui est intéressant dans votre livre, Daniel Schneiderman, Berlin 1933, c'est qu'on se rend compte que, finalement, les journalistes vont se comporter de multiples façons. Alors, il y en a qui vraiment se trompent complètement. Alors, vous me direz si, d'après vous, ils sont conscients de leur erreur, s'ils dissimulent une partie de la vérité. D'autres qui dissimulent, en sachant qu'ils dissimulent, avec un certain nombre de logiques qui président à cette dissimulation. Il y a plusieurs choses, si vous voulez. Parce que, je veux dire, un super fail comme celui-là, il est forcément multicause. Donc celui-là est multicause. Alors il y a déjà l'ambiance de l'époque. L'ambiance de l'époque, faut savoir que quand, faut se souvenir que quand Hitler arrive au pouvoir en 33, la majorité, l'énorme majorité des patrons de presse français, des patrons de presse britanniques, des patrons de presse américains, sont avant tout anticommunistes. La trouille qu'ils ont, c'est la trouille de l'expansion de la révolution soviétique en Europe. C'est la trouille de la contagion. Donc pour beaucoup d'entre eux, même s'ils ne le formulent pas forcément comme ça, mais pour beaucoup d'entre eux, si vous voulez, Hitler a au moins cet avantage qui va constituer un barrage à l'expansion communiste. Donc, je veux dire, déjà, il y a une sorte de, j'allais pas dire de préjugés favorables, mais d'absence en tout cas de préjugés défavorables. Alors ensuite, pour les journalistes qui sont sur place à Berlin, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord que un phénomène qu'on mesure pas assez, c'est que quand Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 33, c'est déjà une scène politique extrêmement violente. Au cours de la campagne présidentielle qui a précédé, à l'automne 32, si vous voulez, il y a eu des affrontements tous les jours. Entre les SA, les milices nazies, entre les milices communistes, mais il y a aussi des milices social-démocrates, il y a des milices de droite, chaque parti a sa milice armée. Et tous les jours, il y a des morts. Il y a un journaliste, le journal Paris Soir, envoie Joseph Kessel en reportage pour la présidentielle de 32. Kessel arrive, la veille, il y a eu un mort. Alors Kessel, en bon reporter, se précipite à l'endroit où les affrontements se sont produits. Il s'attend à trouver tout le monde en effervescence. Et les gens lui disent « Mais non, ben voilà, on a déjà oublié, on est passé à la suite. » Enfin, je veux dire, on est dans cette atmosphère de violence. On est déjà dans un contexte profondément antisémite, avant même l'arrivée de Hitler le 30 janvier 33. Donc finalement, au début, ils ne sont pas si surpris que ça. Et puis alors, dans les premiers mois, si vous voulez, il y a des phénomènes qui brouillent un peu les pistes. Là, je vous parle de février et de mars 33. C'est que la plupart des premières victimes des deux premiers mois, c'est pas les juifs, c'est les communistes. C'est-à-dire que dès le lendemain de l'incendie du Reichstag, Hitler fait emprisonner sans jugement, il jette dans des camps, dans les nouveaux camps qui sont construits à ce moment-là, il jette 5000 communistes dans les camps, sans jugement. La première véritable persécution antisémite n'arrive que le 1er avril. C'est le fameux boycott des commerces juifs. Alors, justement, par rapport à ça, Daniel Schneiderman, vous racontez donc, il y a effectivement un processus d'habituation à la violence. C'est un monde qui sent sauvage. Il y a aussi, malgré tout, différents comportements chez les journalistes. Certains sont des correspondants minutieux dans la description de ce qu'ils voient. D'autres peuvent faire un livre entier sur cette période-là en glissant quasiment une note en bas de page uniquement sur l'antisémitisme. Expliquez-nous comment et pourquoi, si vous avez des explications à ces différentes stratégies. Je veux dire, alors ça, il y a quelque chose qui est quand même déjà connu, c'est qu'il y a un contexte antisémite quand même général en Europe, bien avant l'arrivée du pouvoir de Hitler. Y compris d'ailleurs, alors on le sait, pour la presse d'extrême droite. On sait qu'il y a l'Action française, on sait que l'Action française est profondément, viscéralement antisémite, mais ça va bien au-delà. Quand on prend le cas du principal tirage de la presse quotidienne de l'époque, c'est Paris Soir. Paris Soir est dirigé par un jeune journaliste prometteur qui aura un bel avenir dans la presse parisienne, il s'appelle Pierre Lazareff, qui est un excellent journaliste, qui va ensuite faire France Soir, enfin qui a fait ensuite la carrière que vous savez, et qui est juif. Paris Soir publie des articles incroyables. Paris Soir, par exemple, emploie comme pigiste de luxe un binôme hallucinant dont j'ai découvert l'existence à l'occasion de cette enquête, les frères Tarot. Jean et Jérôme Tarot. Il faut que vous nous expliquiez qui ils sont. Alors, Jean et Jérôme Tarot, si vous voulez, deux stars du reportage des années 20 et 30. Alors, c'est les années de l'Orient Express, c'est les années des palaces. Donc, les Tarot se baladent dans toute l'Europe, sont reçus par les chefs d'État, sont reçus par les dictateurs, sont reçus par tout le monde. Et les Tarot sont fascinés, évidemment, par les communautés juives de l'époque, partout. Et les Tarot, quand on relit leurs textes aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument fou. C'est-à-dire que c'est une espèce d'antisémitisme tranquille, pépère, ethnologique. Ils arrivent dans les ghettos et ils nous expliquent à quel point c'est sale, ça pue, tous ces juifs crasseux en caftan, qui piquent les meilleures places aux chrétiens. Enfin, je veux dire, ils racontent par exemple l'antisémitisme en Pologne en disant oui, tout le monde a des torts, les juifs ont des torts, les polonais ont des torts. Leur livre s'appelle, ils publient un livre par exemple qui s'appelle Quand Israël est roi. Voilà. Et tout ça, dans le contexte de l'époque, n'est pas perçu comme antisémite. Tout ça est publié par, je vous dis, Pierre Lazareff. Les antisémites, c'est Maurras, c'est ceux qui appellent à tuer les juifs. Alors ça, oui, c'est antisémite. Mais faire des papiers en expliquant que voilà, il y a des torts des deux côtés, non, ça c'est normal, c'est du journalisme objectif. Donc, si vous voulez, on est dans ce contexte médiatique-là. Les correspondants américains, parce que là aussi, vous parliez de pigistes de luxe, bon, on s'aperçoit qu'ils sont confortablement installés à Berlin, qu'ils y ont un rôle important au sein donc des correspondants étrangers. Il y a un club que vous décrivez et eux, certains voient ce qui est en train de se dérouler, d'autres pas du tout, ne veulent pas voir. Alors là, il y a le phénomène général des correspondants, si vous voulez. Les correspondants américains, britanniques ou français à Berlin, si vous voulez, la première chose, c'est qu'ils veulent rester. On pourrait se dire aujourd'hui, ça pourrait être une gloire finalement d'être expulsé par les nazis parce qu'on a fait le papier qui dérange, etc. Non, ils veulent rester. Leur journal veut qu'ils restent et eux, ils veulent rester. Pourquoi ils veulent rester? Parce que pour la plupart d'entre eux, ce sont d'abord, ils sont germanistes, ils sont germanophones, et c'est souvent leur seule plus-value. Donc, s'ils se font virer du poste de Berlin, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Pas grand-chose. Ils sont germanophiles, ils adorent ce pays. Et puis, ils sont sur le gros coup du moment, quand même. Je veux dire, un journaliste qui est sur le gros coup du moment, qui est sur le coup, qui fait la une tous les jours, dont la rédaction en chef attend le papier et tout, il a envie de rester. Donc, ils veulent rester. Donc, ils veulent pas faire le papier de trop qui va les faire expulser. Et très vite, quand même, les nazis ont placé les barrières. C'est-à-dire, en septembre 33, il y a un journaliste qui est expulsé, un journaliste américain, Edgar Maurer, du Chicago Daily News, qui a fait des papiers extrêmement durs contre les nazis et contre Hitler, et qui est donc expulsé en septembre, avec l'accord de l'ambassade américaine, qui a été tympanisée par le gouvernement d'Hitler. Et à la fin, l'ambassadeur américain finit par dire à Maurer, il faut partir parce que sinon, vous allez être tabassé dans la rue. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Donc, Les autres, si vous voulez, les autres, une fois qu'il y en a un qui a été expulsé parce que effectivement, il a mis les mots exacts sur ce qu'il voyait. Il a dit, c'est un régime de fous. Il a dit, c'est un régime de barbares. Il a posé les mots que n'importe qui aurait posés à sa place. Les autres, ils ont compris où était là. Et donc, si vous voulez, les autres, ils vont s'efforcer de traiter ce régime comme un régime ordinaire. C'est-à-dire, ils vont s'efforcer d'établir des bons rapports. Les nazis ouvrent à une espèce de club de la presse dans des locaux très élégants. Ils expulsent l'automobile club et ils ouvrent là-dedans un club de la presse avec du whisky et du cognac. Donc voilà, on va aller au club de la presse. On instaure ce qu'on appelle des Bierabend, c'est-à-dire des apéros du soir où tout le gouvernement nazi arrive avec les conseillers des ministères, oui, etc. Vous racontez une proximité avec des gens alors qui aujourd'hui sont historiquement célèbres, les noms Goebbels, Göring, enfin bref, les dignitaires du régime nazi sont à portée de correspondants. Ah bah oui, Dans les premiers mois et même dans les premières années, ça se passe très bien. Il y a un Bierabund avec Göring. Göring arrive avec les principaux cadres de son ministère. On se place en petite table avec les journalistes qui sont là. On picole. Il y a des conversations off. Je te raconte ça, mais tu me cites pas, etc. Il y a des rapports normaux de correspondants à gouvernement local. Mais alors. Ces gens-là veulent rester en Allemagne, on le comprend bien, c'est leur métier, ils parlent allemand. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas envoyer des signaux, d'une manière ou d'une autre, à leurs journaux, de faire en sorte que ce qu'ils voient soit su, Daniel Schneiderman? Bah parce qu'ils se doutent bien que si le journal publie des papiers dérangeants, même sous une autre plume que la leur, il y aura des représailles pour eux. Je veux dire, il n'y a pas de censure. Goebbels ne censure pas la presse étrangère. Mais Goebbels expulse. Ou plus vicieusement, il interdit de rentrer quand le journaliste est parti en vacances dans son propre pays. Donc voilà. Alors après, il y a aussi des journalistes qui sont sympathisants du régime. Il y a aussi ça. Donnez-nous des exemples. Il y a ceux qui ne voient pas, il y a ceux qui sont sympathisants du régime. Il y a un journal en France qui s'appelle Le Matin, qui est un journal qui ensuite va très très mal tourner puisqu'il va devenir un journal collabo à partir de 40, mais enfin qui a déjà la même culture, dont l'envoyé spécial régulier s'appelle Philippe Barrès. Alors lui, il n'est pas en poste à Berlin, si vous voulez, mais il vient pour les grandes occasions. Lui, il est tout à fait admiratif de ce qu'il voit. Il voit Hitler construire des autoroutes, il voit une belle jeunesse blonde qui défile dans les rues, il voit de l'ordre, il voit un peuple entier communiant avec le Führer, parce que c'est aussi ça qu'on voit. Je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que, quand vous êtes dans les rues de Berlin, les persécutions, vous les voyez pas. Parce que les victimes des persécutions, d'abord, ils sont dans des camps, et on les voit pas. Les familles, évidemment, ne vont pas parler à la presse étrangère parce qu'elles risquent très gros si elles parlent à la presse étrangère. Quand un détenu dans un camp, que ce soit un juif ou un communiste, est par extraordinaire libéré, il y aura pas mal de libérés, hein, dans les 5000 communistes dont je vous parlais, là, la plupart ont été libérés. Il est libéré en signant un papier selon lequel il s'engage à ne rien raconter à personne. Donc, voilà, c'est pas visible, la persécution. 33, 34, 35 n'est pas visible immédiatement. Les lois anti-juives, elles sont visibles et pourtant elles ne vont pas nécessairement. Alors, ou bien elles ne sont pas rapportées, ou bien elles vont être atténuées dans la manière dont elles sont rapportées. Pourquoi, Daniel Schneiderman? Alors, les lois anti-juives, c'est essentiellement les lois de Nuremberg en 35. Alors, les lois de Nuremberg, faut juste rappeler, c'est l'interdiction définitive des mariages entre juifs et ariens. C'est des mesures absolument inouï, comme l'interdiction pour les juifs, par exemple, d'employer du personnel de maison féminin de moins de 45 ans, parce que la presse nazie et le nazisme colportent que le juif est par définition un satyre qui va sauter sur sa femme de ménage. Donc, les lois, voilà. Quand ces lois de Nuremberg sont votées, on est à l'automne 35, ça a été une de mes grandes stupéfactions, c'est que rien. Rien, rien, rien. Rien dans la presse française, des lignes en bas de page. Quasiment rien dans le New York Times. Il faut dire qu'on s'est habitué. On s'est habitué, ça fait 2 ans que Hitler est là. On est aussi, il faut bien le dire, à un palier de la persécution antisémite. En 35, il y a encore des cadres importants de banques allemandes qui sont juifs. Et puis la presse a la tête ailleurs. En 35, Mussolini commence à faire des siennes en Éthiopie, donc la presse internationale détourne un peu la tête. Vous évoquez aussi tous les procédés rhétoriques qui sont faits, Daniel Schneiderman, pour atténuer la sévérité des mesures. Alors, est-ce que c'est pour se rassurer? Est-ce que c'est pour mentir au lecteur? Oui, vous pensez à quoi, par exemple? Ceux qui, par exemple, consistent à dire que lorsque les juifs sont interdits d'opéra, c'est pas très grave parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir. Oui, alors voilà, parmi les fameuses lois de Nuremberg, là, il y a une mesure qui consiste à réserver des créneaux horaires très étroits aux juifs pour aller faire leurs courses. Et donc, il y a des journalistes qui expliquent que de toute façon, c'est pas très grave, il n'y a pas grand-chose dans les magasins. Non, voilà, oui, mais oui, il y a tout ça, bien sûr. Mais alors, effectivement, parce que lorsque l'on voit ça, on se dit, mais alors bon, finalement, qui a vu, vous parlez, Daniel Schneiderman, d'un type de journaliste, enfin, je ne sais pas comment dire les choses, mais vous dites, voilà, finalement, les obsessionnels s'en sont bien sortis. Qu'est-ce que c'est qu'un obsessionnel et pourquoi s'en sont-ils bien sortis dans le cas d'espèce ? Bah, les obsessionnels, c'est ceux qui ne lâchent pas le morceau, qu'est-ce que je vous dise. C'est ceux qui ne se résignent pas, c'est ceux qui, envers et contre tout, persistent à faire leur métier. Et alors ça donne quoi ? Ça donne en général des papiers excellents, mais des one-shot. Puisqu'on est dans un podcast qui aime bien les anglicismes. Des one-shot, par exemple, il y a dès avril 33, un papier très complet dans le Guardian britannique. Sur les persécutions antisémites dans les villages. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que les correspondants restent énormément à Berlin. Ils veulent pas s'éloigner de Berlin parce que c'est à Berlin qu'ils sont les centres de pouvoir, c'est à Berlin qu'il y a les points de presse, c'est à Berlin qu'il y a les grands meetings, c'est à Berlin qu'on apprend des choses. Mais que la persécution, elle est beaucoup plus vive dans les villages que dans les grandes villes. Vous êtes dans le centre-ville de Francfort, vous voyez pas grand-chose. Vous allez dans la campagne autour de Francfort, dans les villes moyennes et dans les bourgs, là vous voyez. Donc il y a un papier très complet dans le Guardian, où vraiment est raconté la persécution dans les entreprises, dans les usines, dans les cages d'escalier, dans les cours de récréation. Dès le lendemain, le Guardian est interdit en Allemagne. Voilà. C'est-à-dire que je voudrais pas donner l'impression que j'excuse tout. Il y aurait eu des moyens de faire. Vous donnez pas cette impression-là. Par contre, ce que l'on pourrait vous rétorquer, d'ailleurs, c'est une objection que vous faites à vous-même, Daniel Schneiderman, vous dites, évidemment, aujourd'hui, c'est en quelque sorte, hélas, facile pour nous de repérer ce qui, dans les prodromes du nazisme, allait devenir... Le nazisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, est-ce que cette illusion rétrospective, elle n'est pas une manière d'accabler des journalistes qui peut-être, qui ne pouvaient pas d'ailleurs imaginer ce qui allait suivre? Si j'essaye vraiment de m'abstraire de 2018 et de me placer dans le contexte de 1933, ce qui est, je veux dire, un journaliste qui est en poste à Berlin en 33, finalement, il a tous les signes devant lui. Il a une espèce de d'étalage de signes devant lui. Il a les signes extrêmement inquiétants, c'est-à-dire la brutalité du régime, la folie apparente de ses dirigeants, parce qu'elle se voit, cette folie. Je veux dire, il y a à l'ambassade américaine, par exemple, le consul général, Messerschmitt, alors qui n'est pas journaliste, mais dont je parle dans le livre. Voilà, lui, il fait des rapports au département d'État. Il explique que c'est un régime de fous. Donc, la folie, elle se voit. Et en même temps, comme dirait l'autre, il a devant lui des signes plutôt rassurants. Je veux dire, il voit une vie économique qui continue. Il voit en effet à Berlin, en 33, des juifs qui se promènent dans la rue, qui mangent au restaurant. Il a tous ces signes devant lui. Et puis surtout, l'impossibilité presque pour un journaliste politique de concevoir qu'un régime finalement légalement installé, et avec lequel il entretient des rapports quotidiens, puisse être un régime de dingue. Que ces gens-là puissent être des dingues. Je crois que n'importe quel journaliste, à n'importe quel moment, si vous voulez, devant une décision politique, quelle qu'elle soit, son boulot, c'est de trouver une explication rationnelle. C'est de dire, et même quand l'explication rationnelle, manifestement, n'existe pas, c'est très très dur, mais encore aujourd'hui, Pour un journaliste qui reçoit des politiques à la radio, vous pourrez peut-être m'en parler, ou qui c'est très très dur de se dire mais ce type est dingue. Bon, écoutez, on pourrait vous dire aussi que, parce que régime de dingue, c'est aussi une manière de désidéologiser la chose, c'est-à-dire sans même nier la dinguerie de tel ou tel. Il est évident que l'antisémitisme dépassait largement le cadre de la maladie mentale. Ça dépasse le cadre, mais je veux dire, c'est un régime de dingue. Je vais vous donner un exemple. Il y a un de mes personnages, l'un de mes journalistes, que je suis particulièrement, ce qui me paraît particulièrement typique, qui est le correspondant de l'Associated Press, Louis Lochner. Donc lui, germaniste, binational, né en Allemagne, etc. En 32, avant la prise du pouvoir, il va interroger Hitler, il va faire une interview. Donc on évoque toutes sortes de sujets. Et à un moment, on aborde le sujet des Juifs, et il voit... Et alors là, Hitler se met en rage, et Lochner voit de la bave aux lèvres de Hitler. Bon. Dans sa dépêche, il n'en dit rien. Alors ensuite, Lochner, quand on va lui reprocher après la guerre de n'avoir pas rien dit, etc., va faire un bouquin d'auto-justification et il va dire « mais on pouvait comprendre, des 32, etc. D'ailleurs, Hitler, la bave aux lèvres. » Bon, mais la bave aux lèvres, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit en 32, il ne l'a pas dit dans sa dépêche. Dans sa dépêche, il a présenté les déclarations du chef du Parti National-Socialiste comme les déclarations d'un responsable politique ordinaire. Je veux dire, la dinguerie, elle est perceptible. Je sais pas, vous faites une interview le matin à France Culture, la personne en face de vous, tout d'un coup, vous la voyez se mettre en rage et vous voyez... Je sais pas si un responsable politique avait de la bave aux lèvres. Enfin, voilà, j'imagine qu'à un moment, c'est un détail qui vous frappe. Bon, mais je crois que vous pensez à un personnel politique en particulier, puisque votre livre fait des allers-retours. Il est fait pour, mais de toute façon, quand bien même vous ne les feriez pas, on les ferait à votre place. Il est évident que lorsqu'on évoque des réfugiés sur un bateau, bon, on voit ça dans l'actualité. Et lorsque l'on évoque un personnel politique manifestement dingue, on pense à Trump. Pas qu'à lui, mais d'abord à lui. Qu'est-ce que vous en faites, vous, Daniel Schneiderman, qui justement observé les médias? Qu'est-ce que j'en fais? Ben heureusement, je suis pas chargé de parler de Trump. Moi, mon boulot, c'est de parler de la manière dont les médias parlent de Trump. Justement, mais alors, vous essayez de vous confronter dans ce livre Berlin 1933 à ce qu'on appelle le point Godwin, autrement dit, le moment où les raccourcis historiques à base d'hitlérisme sont des raccourcis éclairants ou au contraire obscurcissants. Comment vous réussissez aujourd'hui à peser ces différentes choses? Non, mais je ne sais pas si je réussis, si vous voulez. Ce qui est certain, c'est que pendant toute la période où je me confrontais, je me plongeais dans les écritures de l'époque, si vous voulez, effectivement, la question était pour moi obsédante de me demander, mais aujourd'hui, voilà, comment, dans ma pratique quotidienne de journaliste, dans notre pratique collective de journaliste, comment éviter de tomber dans les mêmes erreurs? Il n'y a pas de méthode infaillible, il y en a quelques-unes quand même. Lesquelles? Moi, ce qui me frappe dans toute la couverture, si vous voulez, médiatique de cette époque-là, c'est l'absence totale des victimes. Je veux dire, pas un juif, pas un persécuté n'est montré. Je veux dire, les victimes ne sont pas entendues, elles ne sont pas incarnées. Je veux dire, les formidables papiers... Alors, on pourrait dire que c'est le journalisme de l'époque, mais non, c'est pas le journalisme de l'époque. Les formidables papiers que faisait Albert Londres quelques années auparavant, si vous voulez, et qui avait réussi à faire fermer le bagne de Cayenne, je veux dire, il n'y a rien d'équivalent. Je veux dire, les juifs sont des chiffres, des tableaux de chiffres. Et alors, ça va évidemment à partir de 41, ça va empirer. 35 000 déportations, 50 000 déportations, des brèves en page 12, etc. Je veux dire, il n'y a aucune incarnation. Donc, une des leçons que je tire moi, c'est que la presse ne peut jamais se tromper quand elle donne la parole aux victimes. C'est-à-dire voilà. Quoi? Vous voulez dire que vous réhabiliteriez, par exemple, le genre qui est le genre du reportage avec des portraits de victimes plus que... J'ai pas à le réhabiliter, heureusement qu'il existe encore. Hier, je disais le New York Times, par exemple, oui. Et dans le New York Times, il y a quand même cette histoire, là aussi, moi je trouve pas qu'elle ait fait énormément de bruit. Donc, les enfants de migrants, ça, on le sait, ont été séparés de leurs parents aux États-Unis. Et alors, ce qui est nouveau, c'est qu'on en a mis 2000 dans des tentes en plein désert, sans scolarité, sans rien. Alors, évidemment, c'est pas le nazisme. De 1000 points de vue, ça n'est pas le nazisme. Mais bon, c'est une situation qui, à tout le moins, est proprement dégueulasse. Et il n'y a pas de portrait de ces enfants. Il y a finalement... En vous écoutant, je me disais, voilà, il y a essentiellement un appareillage statistique. Eh ben c'est un... Et pourtant, le New York Times n'est pas critiquable de quoi que ce soit sur Trump, quoi. C'est une immense lacune. C'est une immense lacune. Je pense qu'il faut braquer le projecteur sur les victimes. Et il faut rendre aux victimes leur identité, leur nom, leur prénom, leur âge, l'endroit d'où ils viennent, alors s'agissant d'adultes, le métier qu'ils exerçaient dans le pays dont ils ont éventuellement émigré. Si on parle de migrants, voilà. Je pense qu'on ne peut jamais se tromper. Je veux dire, je pense que la question ne se pose pas. Je pense que les journalistes doivent être sur l'Aquarius. Il y a pas de voilà. Et sur l'Aquarius doivent raconter l'Aquarius et les gens qui sont sur l'Aquarius. Alors après, Une autre conclusion que personnellement je tire de l'enquête, c'est que un média qui en a les moyens ne doit pas se contenter de ça. C'est-à-dire que il faut donner un visage et une voix aux victimes, mais en même temps, il faut rester aussi dans l'explication des actes du gouvernement persécuteur quand il y a un gouvernement persécuteur. Une des choses qui m'ont le plus frappé, c'est quand je relis la presse de l'époque, si vous voulez, donc avec ce ton insupportable aujourd'hui, on se dit, mais enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils avaient dans les yeux, quoi. Le seul journal dont le ton n'apparaisse pas insupportable aujourd'hui, c'est l'Humanité. Je parle de cette période 33. C'est le seul journal qui, tous les jours, parle de la barbarie hitlérienne, de la barbarie nazie. C'est le seul journal dont la langue, si vous voulez, sonne raccord avec notre langue aujourd'hui pour évoquer le nazisme. Pourquoi ? Bah parce que c'est un journal qui défend des objectifs politiques, si vous voulez. Voilà. Parce que idéologiquement, l'humanité a décidé que le régime nazi était un régime à combattre. Et ce qui a été particulièrement éprouvant pour moi, c'est que je me suis dit, si j'avais été lecteur de presse en 33, au bout d'une semaine, j'aurais arrêté de lire l'UMA. Parce que je me serais dit, c'est une propagande, c'est insupportable, de toute façon, ils n'écrivent rien d'autre que ce qui leur est dicté par Moscou. Donc j'aurais arrêté donc la question, c'est d'incarner les victimes et en même temps de jamais déserter la bataille de la crédibilité. Rester crédible. Et c'est un peu paradoxal que ce soit l'humain, parce que les mêmes causes produisant les effets inverses avec le pacte germano-soviétique... Ah non, mais je vous parle de 33. J'ai bien compris que vous me parliez de 33. Mais dans ce cas-là, quelques années plus tard, j'imagine que l'humain avait obligatoirement le devoir de composer avec la vérité. Ah bah bien sûr. Bien sûr, à partir du pacte germano-soviétique en 39, si vous voulez, le ton change et le ton devient au pacifisme, à l'anti-guerre, etc. Bien entendu. Non, parce que si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que finalement, la morale de l'histoire, ça serait que seule une conviction idéologique, l'idéologie, c'est pas un gros mot, mais parfois c'est encombrant, seule une conviction idéologique peut vous permettre de décrire la réalité telle qu'elle est, parce que pour le coup, d'après ce que vous dites, l'UMA disait vrai à l'époque. Est-ce qu'une presse qui ne serait pas idéologique dans sa description serait impossible? En tout cas, elle a été impensable à l'époque, Daniel Schneiderman. Mais d'abord, je pense que toute presse est idéologique, si vous voulez. Je pense que tout message médiatique est idéologique. Paris Soir est idéologique. Quand Paris Soir fait ses unes sur les vedettes de Hollywood, si vous voulez, ils sont idéologiques. Tout message médiatique est idéologique. Bon, la différence de l'UMA, c'est que c'est de l'idéologie affichée, revendiquée, c'est clair, on sait ce qu'on lit. Mais toute presse est idéologique. Daniel Schneiderman, Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler. J'ai appris énormément de choses sur la manière dont nos confrères, les journalistes, ont fait ou n'ont pas fait leur métier. C'est aux éditions du Seuil. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâchée par Jean-Frédéric à la technique et surtout dévastée par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.